Il y avait dans le JDR d'avant des plans, des figurines et des donjons. Le temps a passé, seul reste le roleplay, et de nos scénars, il ne reste plus rien. Qui a tué le jeu de rôle d'avant? Est-ce le temps où les rôlistes n'ont plus le temps de lancer les dés? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Salut messieurs, mesdames et personnes non binaires, voilà, c'est Thomas Munier pour une petite intervention sur le podcast Frankenstein lancé par Eric Blaise sur un sujet brûlant. Est-ce que le jeu de rôle c'était mieux avant? Ceci, la réponse est oui, hein. De toute façon, le cochon était dans le maïs à partir du moment où sont apparues les compétences de voleur. À partir de là, c'était foutu, hein. On faisait plus du vrai jeu de rôle. Bon, passé ce léger troll, j'avais envie. Alors, je sais que je suis quand même plutôt d'habitude défenseur de l'avant-garde rôliste, mais j'avais envie de faire une défense un peu sincère de cette idée que le jeu de rôle c'était mieux avant, ou en tout cas, à minimum, qu'il y a des choses dans notre passé rôliste qui sont clairement récupérables et qui sont toujours aussi sympas. Je voulais revenir par exemple sur un article de Grognardia. Donc Grognardia, c'est un blog sur l'OSR qui est écrit par quelqu'un qui faisait déjà du JDR dans les années 70. Et par exemple, il explique une chose qui me tient à cœur, c'est qu'il dit qu'à son époque, dans la littérature, on faisait pas trop de différence entre la science-fiction et la fantasy, quoi. C'était un peu mélangé, quoi. C'est grosso modo, il n'y avait pas de SF ni de fantasy, il n'y avait que de la science fantasy. Je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup avec Milvaux, donc ça me tient pas mal à cœur. Et du coup, je pense que je fais encore aujourd'hui, au niveau du genre narratif, quelque chose de très old school en mélangeant allègrement des trucs du Moyen-Âge avec de la SF complètement débridée. Toujours, donc, vous avez compris, hein, ça va être mon axe de défense du jeu de rôle c'était mieux avant. Ça va se baser uniquement sur mon expérience personnelle. C'est pas du tout quelque chose à extrapoler à la population rôliste, hein. Donc, justement, au niveau de mon expérience personnelle, sans doute une des choses que je regrette le plus finalement, c'est d'avoir perdu les joueuses et les joueurs avec qui j'ai construit mes expériences rôlistes, puisque du coup, on va dire que les personnes avec qui j'ai pu jouer dans les années 90 et 2000, eh ben finalement, soit je les ai perdues de vue, soit on joue beaucoup moins souvent, genre une à deux fois par an, quoi. Et j'ai plus du tout, voilà, j'ai plus du tout, j'ai complètement perdu ces moments où on avait clairement construit des amitiés. Ça a pu être possible, soit parce que nos agendas sont plus tellement complémentaires, voire même aussi des fois qu'on a pris des directions ludiques différentes, moi m'enfonçant dans l'avant-garde et les personnes restant sur des jeux de rôle plus classiques par exemple. Sans doute ce que je regrette le plus d'avoir perdu, finalement aussi, avec en 25 années de pratique, c'est d'avoir perdu ma capacité à m'émerveiller, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai commencé le jeu de rôle avec HeroQuest, hein, qui était quasiment un jeu de plateau, quoi. Et donc à l'époque, l'émerveillement c'était wow, trop génial, qu'est-ce qui va se passer quand je vais ouvrir cette porte? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Oh là là, il y a deux orques, incroyable, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, vous voyez, vraiment l'émerveillement à partir de truc vraiment tout simple quoi. Et aujourd'hui, pour m'émerveiller, je suis un peu obligé de construire des fictions ultra alambiquées, très très ambitieuses. Et finalement, on va dire qu'avec l'expérience vient l'exigence quoi. Et ça peut être regrettable hein, parce que du coup, ça amène, je pense, à être déçu plus souvent. Et c'est difficile de revenir à la simplicité une fois qu'elle est perdue quoi. Sans doute aussi, ce que j'ai perdu, c'est le fait de jouer pour le jeu, quoi. Finalement, j'ai bien plus souvent maintenant ma casquette de game designer que ma casquette de simple rôliste, quoi. Et donc, soit je suis en train de playtester un de mes propres jeux, soit je suis en train en train de d'analyser le game design du jeu, quoi. Et donc, clairement, entre guillemets, cette professionnalisation a certainement tué une partie du fun du jeu, quoi. Et donc, je pourrais jamais rejouer avec l'état d'esprit de jouer pour le jeu que j'avais quand j'étais enfant ou adolescent, quoi. Ou même jeune adulte. Sinon, je voulais aussi rappeler que bon, je sais que je fais partie de, enfin, j'ai souvent défendu le jeu de rôle d'avant-garde et tout, mais il y a des polémiques en fait qui sont vieilles comme le JDR, voire même plus vieilles que le JDR, quoi, qui datent déjà du Wargame notamment. Et donc, des fois, on pense qu'on a une pensée avant-gardiste, mais c'est pas forcément le cas. Par exemple, là, je suis en train de lire le jeu de rôle sur table, un laboratoire de l'imaginaire, là. Et il y a, y a, y a, y a, y a plusieurs articles qui sont très intéressants à lire, hein, sur l'histoire. Les trois premiers articles, par le premier, c'est Alban Quadra et Daniel André, le deuxième et troisième, c'est Jérôme Larrey et Coralie David. Parle un petit peu de l'histoire du JDR, quoi, et notamment le dernier sur l'évolution du discours théorique, eh ben, rappelle que on a des polémiques qui sont très anciennes. Par exemple, le réalisme contre la jouabilité, ça date déjà de l'époque des wargames, hein, donc les jeux légers, tu vois, les jeux légers facilement jouables et entre guillemets où on fait recours à l'arbitrage au doigt mouillé. Au contraire des jeux complexes usine à gaz, ça c'est très très vieux, hein, comme polémique. On a également l'idée de jeu versus storytelling, ça c'est pareil, hein, ça apparaît dès les années 70. Dans les années 80, on a appelé ça le jeu de rôle, jeu, enfin rôle, jouer, quoi, lancer l'idée, contre le jeu de rôle. Donc finalement, au courant alternatif, on se contente de ressasser des vieilles polémiques, hein, à notre sauce, hein, mais c'est bon, on n'invente pas forcément toujours la poudre. C'est-à-dire que l'underground rôliste, il y en avait déjà dans les années 70, il y avait déjà des positions tranchées à l'époque. Je reviens à nouveau sur cette capacité à s'émerveiller. Moi, je pense que je l'ai retrouvée avec l'Old School Renaissance. Hein. Bon, j'imagine que beaucoup tout le monde va en parler, hein, dans ce podcast Frankenstein. Et notamment, j'ai bon, l'Old School Renaissance, c'est la façon de jouer des années 70. C'est une façon que j'ai pas connue, hein, parce que moi, j'ai commencé à jouer dans les années 90. Mais notamment, du coup, ce que j'ai découvert, hein, que je connaissais pas, c'était le player skill, le fait de jouer sans compétence, mais en utilisant son intelligence de joueuse. Ça a été une vraie découverte, hein, un vrai fun de jeu que j'ai découvert avec ça, et qui est un peu ma marotte, hein, quand je fais de l'OSR, on va pas se mentir. Sur la capacité à s'émerveiller, ce qui a été vraiment fun, c'est de faire des parties d'OSR avec des jeunes, avec des collégiens qui eux-mêmes sont en découverte du jeu de rôle. Bon, ils ont déjà fait des parties avant, quoi. Mais il y a vraiment, bah, tu les vois kiffer la fraîcheur en fait de ce style de jeu, quoi. Et du coup, bah, un peu par procuration, je retrouve, voilà, ce plaisir en fait de débuter à nouveau, quoi. L'OSR aussi est très intéressant pour faire ce que j'appelle de l'uchronie de game design. Moi, bon, c'est quelque chose qui m'a plu, hein, dès que j'ai commencé à sérieusement game designer des jeux, hein. C'était de imaginer refaire le jeu de rôle comme si on repartait de zéro, quoi. Donc, Inflorenza, par exemple, c'était refaire le jeu de rôle s'il avait découlé d'influences plus littéraires que Wargame. Et Inflorenza Minima, c'était refaire le jeu de rôle s'il avait découlé d'influences de la culture orale, plutôt que la culture écrite, et ainsi de suite. Et donc, je me suis beaucoup amusé à refaire des. Bah, bon, je ne suis pas le seul à le faire, hein, mais à refaire des uchronies de game design à partir de Donjons et Dragons de l'édition de 1974. Et donc, par exemple, j'ai fait du drama avec du drama familial contemporain avec Donjons et Dragons. On a fait des formats humoristiques bizarres, du genre faire une émission de déco dans une maison infestée par des orques et des gelées vertes. Et ce que j'aime aussi, c'est faire Alors on s'éloigne un petit peu de l'OSR, mais c'est faire du neuf au goût de vieux, quoi. C'est-à-dire faire des jeux avec des game design un peu nouveaux, mais qui quand on joue ont une saveur comme ça, une saveur de jeu ancien. Ça a été le cas avec Marche-Branche, qui est un OSR mais sans système OSR, quoi, pour faire simple, hein. Mais qui essaie de retrouver une naïveté vraiment proche des années 70. Arbre, alors là c'est une sorte de nostalgie personnelle puisque Arbre avait pour but de redonner entre guillemets l'impression de mes premières parties de Milvaux qui datent d'il y a 10 ans quoi. Donc c'est une uchronie, enfin une nostalgie personnelle quoi. Et puis toujours cette capacité de s'émerveiller, ouais, voilà, il y a cette nostalgie personnelle que j'essaie de cultiver, de transmettre, et notamment avec un projet de jeu de rôle qui s'appelle Souche, qui va être un jeu de rôle sous Open Basic, et donc qui va être bah, l'ambition de nous faire découvrir comment je jouais dans la forêt de Milvaux il y a 10 ans, enfin même 10 ans, il y a 13 ans, quand je le faisais avec l'Appel de Cthulhu. Donc je vais sortir mon espèce de rétro-clone de l'Appel de Cthulhu. Où je vais vous expliquer comment je masterisais à l'époque, quelles étaient mes méthodes de scénarisation, comment j'avais transformé les règles de l'appel de Cthulhu pour adapter à mon truc. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de débat, le jeu de rôle c'était mieux avant, ça sert à plus à rien de créer des nouveaux jeux, de jouer à des nouveaux jeux, parce que tous les jeux cool ils étaient déjà sortis dans les années 70. Allez, je vous laisse, à plus, portez-vous bien, des bisous.